C'est pas en 130. We'll be right back. Titi, il a freiné. Il y avait un radar, il a freiné à fond. Là. Putain, t'as freiné à fond là. Ah oui, c'est un peu fort. Ouais. Attends, je baisse. Voilà. Oh, we are the sick and wanna we are no for the tea. À 100 et moi je suis à 200, c'est ça? Ok. Et je pars à 1, c'est ça? Je pars à 1? De toute façon, c'est une batterie qui tourne en rond. Hein, et il y a un petit peu de tout, il y a des cymbales, il y a un peu de tout. Ah là, il y a le choix, il y a un peu de tout là dans mes cymbales. Putain, j'ai oublié de boucler. Oh merde! J'avais oublié le machin, oups. J'avais oublié de mettre la boucle. Attends, ça vient, Titi, t'énerve pas, Titi. Ah, je sais pas, moi, je laisse tourner. Hey, oh, ça la tonalité, je crois. Putain, j'ai le potard des Thunder des fois. Le potard du maçon. Mal aux mains, ça. Africain. We'll be right back. just want to try. Bon, on arrête de faire de la merde. Stop. Thank you. We'll be right back.

We'll be right back.